Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti de travail de Corée, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, a inspecté le centre d'élevage porcin d'Edongan. Il a été accompagné des cadres responsables du comité central du parti. Le camarade Kim Jong-un a visité la salle d'éducation selon les hauts faits révisionnaires et la salle d'historique. Il a dit que le général Kim Jong-il a visité le centre d'élevage nouvellement construit à la dernière époque de sa vie et éclairé la voie à suivre, qu'il faut prêter l'intérêt primordial à l'éducation selon ses exploits de direction pour que le personnel les mette en valeur par l'augmentation de la production. Dans la salle de commande intégrée, le bâtiment des reproducteurs, le bâtiment de croissance, le bâtiment d'engraissement, l'atelier de traitement de viande, l'atelier d'engrais composés organiques et ailleurs, il s'est renseigné en détail sur l'état de la production. Il a fait remarquer que le centre d'élevage s'est fixé l'objectif ambitieux de réaliser à un niveau élevé le perfectionnement scientifique, l'informatisation et l'automatisation de la production pour ainsi établir à merveille le système de commande intégré, qu'il normalise l'élevage des cochons de lait à l'aide du système de sélection des espèces meilleures pour la solution du problème de race, problème essentiel dans l'élevage, et qu'il a pris la mesure d'approvisionnement en aliments et la mesure vétérinaire et anti-épizootique pour un essor de la production de viande de porc. Il a fait savoir que l'effort constant pour trouver la méthode la plus rationnelle de donner à manger et de diminuer autant que possible la quantité des mangeailles permet d'accomplir le plan de production de chaque mois par indice. Il s'est montré satisfait de voir des porcs gras qui remplissent chaque bâtiment d'élevage et des produits entassés dans l'atelier de transformation de viande. Il a dit que tous les équipements modernes sont installés pour la production de l'engrais composé organique avec les excréments de porc pour normaliser la production à un niveau élevé et que l'on envoie suffisamment d'engrais composé organique au complexe d'arboriculture fruitière d'Edongan. Il a affirmé que des slogans reflétant l'intention et la politique de notre parti sont affichés partout dans le centre d'élevage, que cela montre que le centre d'élevage prête l'attention profonde à l'éducation idéologique pour faire appel à la force d'esprit du personnel. Il a dit avec satisfaction que selon l'intention du parti, le centre d'élevage a réalisé le perfectionnement scientifique et l'intensification de la production de la viande de porc et établi le système de production interactive de l'arboriculture fruitière et de l'élevage et ordonné d'inviter les fonctionnaires du secteur intéressé à visiter ce centre d'élevage pour généraliser ses succès et expériences. Le camarade Kim Jong-un a avancé les tâches posées devant le centre d'élevage pour obtenir davantage de meilleures races, rehausser plus le niveau scientifique de la méthode d'élevage et prendre parfaitement la mesure vétérinaire et anti-épizootique, augmenter méthodiquement la production de la viande pour produire 1000 tonnes dans quelques années à venir, rehausser le niveau de modernisation de l'atelier de traitement de viande, bien organiser le travail pour multiplier les espèces des produits traités et améliorer leur qualité, augmenter la quantité de production d'engrais composés organiques. Le camarade Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec le personnel après avoir exprimé la certitude qu'il sera l'avant-garde et la troupe de choc dans l'application de la politique d'élevage de notre parti.